Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gameozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 24 mai, nous souhaitons une bonne fête aux Donatiens, ça vient du latin présent de Dieu. Donatien est un homme qui en impose par son autorité naturelle, son allure sobre et réservée, ainsi que par l'énergie qui émane de lui. Tour à tour extraverti, gai, optimiste, enthousiaste, puis distant, secret, tendant à l'introversion, à l'isolement et au pessimisme. Donatien possède une excellente vitalité. Il est capable de fournir une grande puissance de travail ou d'action bien qu'irrégulière en raison de son caractère un peu impulsif. Il est indépendant, orgueilleux, créatif et inspiré tant dans le domaine artistique que dans les spéculations supérieures de l'esprit. Brillant et vif intellectuellement, il pourra faire de longues études, souvent très spécialisées. En effet, c'est un précurseur ou un marginal. Dicton du jour, le 24 mai, la vendange sera bonne si le temps est clair et serein. Le contraire arrivera s'il est obscur et pluvieux. Lorsqu'il pleut à la Saint-Donatien, c'est de la pluie pour le mois qui vient. Bon, alors heureusement, aujourd'hui, ça devrait aller normalement. Célébration internationale en Bulgarie, c'est la journée de l'éducation et de la culture bulgare et de la littérature slave en l'honneur de l'œuvre des saints Cyril et Méthode et notamment de la création de l'alphabet glagolitique. Aux Bermudes, c'est la fête nationale. En Érythrée, c'est la fête nationale et fête de l'indépendance qui commémore l'indépendance vis-à-vis de l'Éthiopie. En République de Macédoine, c'est la fête des illuminateurs slaves en l'honneur de l'œuvre des saints Cyril et Méthode. Et en Russie, c'est la journée de la littérature et de la culture slave en l'honneur des saints Cyril et Méthode. Ça s'est passé un 24 mai en 1670. Louis XIV a créé par ordonnance royale l'hôtel des Invalides. En 1844, c'était l'envoi du premier télégramme en Morse par Samuel Morse. Le message indiquait, alors il était écrit en anglais, mais en français ça donnait ceci: qu'est-ce que Dieu a forgé. 1938, création du Centre National de la Recherche Scientifique Appliquée, 1993, indépendance de l'Érythrée. Allez, première pause musicale avec Patti LaBelle et son titre Lady Marmalade. Patti LaBelle sur RGM, presque 8h37. On fait un point maintenant anniversaire. Ils sont nés un 24 mai 1931, naissance de Michael Lonsdale, acteur français vu dans Paris brûle-t-il dans le rôle de Début Bridel, Hibernatus dans le rôle du professeur Laurieba, Moonraker, hein, James Bond, hein, où il interprétait le rôle d'Hugo Drax, dans Munich de Steven Spielberg, Des Hommes et des Dieux dans le rôle de frère Luc Daugier, qui lui a valu le César du meilleur acteur dans un second rôle. 1938, naissance de Tommy Chong, acteur humoriste canadien connu pour son rôle de Léo dans la série télé That 70 Show. 1944, naissance de Patti LaBelle, chanteuse américaine. C'est également l'année de naissance de Dominique Lavanant, comédienne française vue dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, Diabolomante, Les Bronzés font du ski et Les Bronzés 3 dans le rôle de Christiane, Inspecteur, La Bavure, Les Hommes préfèrent les grosses, Papy fait de la résistance, Trois hommes et un couffin, Les Frères Pétard, Les Vacances du petit Nicolas dans le rôle de la grand-mère de Nicolas, vu également à la télévision dans la série Imogène dans le rôle d'Imogène Le Dantec ou encore dans SœurThérèse.com dans le rôle de Sœur Thérèse. 1945, naissance de Priscilla Beaulieu, actrice américaine qui fut l'épouse d'Elvis Presley, connue pour son rôle de Jane Spencer dans les films Y a-t-il un flic pour sauver la reine, Y a-t-il un flic pour sauver le président et Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, et vue également dans la série Dallas dans le rôle de Jenna Wade. 1949, naissance de Jim Broadbent, acteur britannique, vu dans Superman 4. Le journal de Bridget Jones, Bridget Jones l'âge de raison et Bridget Jones Baby dans le rôle du père de Bridget, vu également dans Moulin Rouge, Iris dans le rôle de John Bailey qui lui a valu l'Oscar du meilleur second rôle masculin, vu également dans Gogs of New York dans le rôle de Boss Tweed, Le Tour du Monde en 80 jours, Le Monde de Narnia, Le Lion, La Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé ainsi qu'Harry Potter et les Reliques de la Mort deuxième partie dans le rôle d'Horace Le Gorne, vu également dans La Dame de Fer dans le rôle de Dennis Thatcher, Paddington 1 et 2 dans le rôle de Monsieur Gruber et dans la série télé Game of Thrones dans le rôle d'Archimestre Marwin. 1951, naissance de Jean-Pierre Bacri, acteur scénariste français, scénariste de Smoking, No Smoking, coécrit avec Agnès Jaoui qui leur a valu le César du meilleur scénario original ou adaptation, Un air de famille coécrit avec Agnès Jaoui et Cédric Clapiche qui leur a valu le César du meilleur scénario original. On connaît la chanson coécrit avec Agnès Jaoui qui leur a valu le César du meilleur scénario original. Le goût des autres, coécrit également avec Agnès Jaoui qui leur a valu également le César du meilleur scénario original. Et en tant qu'acteur, on a pu le voir dans Le Grand Pardon, dans Subway de Luc Besson dans le rôle de l'inspecteur Batman, dans Didier dans le rôle de Jean-Pierre Costa. On connaît la chanson dans le rôle de Nicolas qui lui a valu également le César du meilleur acteur dans un second rôle. Place Vendôme, Le Goût des Autres dans le rôle de Jean-Jacques Castellin, Santa et compagnie dans le rôle du Père Noël en Rouge et Blanc. 1952, naissance de Marc Serron, musicien français, batteur de formation, notamment connu pour le titre Give Me Love, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Que ça donne Marc Serron. Allez, on continue. 1953, naissance d'Alfred Molina, acteur anglo-américain vu dans Spider-Man 2 dans le rôle du docteur Otto Octavius, Da Vinci Code dans le rôle de Monseigneur Haring Garossa, La Panthère Rose 2, Prince of Persia, Les Sables du Temps dans le rôle de Cheikh Amar, L'Apprenti Sorcier dans la série télé Los Angeles Police Judiciaire dans le rôle du substitut du procureur principal Ricardo Morales. 1955, naissance de Rosanne Cash, chanteuse chanteuse américaine de musique country, fille de Johnny Cash. On écoute tout de suite un extrait de son titre « Runaway Train ». About you, I'm worried about me. The curves around midnight aren't easy to see. Flashing red warnings unseen in the rain. This thing has turned into a runaway train. Voilà pour l'extrait donc de Rosanne Cash. On va rester en musique puisqu'en 1960, c'était la naissance de Guy Fletcher, musicien britannique du groupe Dire Straits, dont on écoute un extrait de leur titre « Money for Nothing ». Voilà pour l'extrait du groupe Dire Straits. On reste en 1960 avec la naissance de Christine Scott Thomas, actrice britannique, vue dans 4 mariages et un enterrement, un été inoubliable, Mission Impossible dans le rôle de Sarah Davis, le patient anglais dans le rôle de Catherine Clifton, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux dans le rôle d'Annie McLean, Arsène Lupin, la doublure dans le rôle de Christine Levasseur, ne le dis à personne dans le rôle d'Hélène Perkins, Il y a longtemps que je t'aime, Deux sœurs pour un roi, Largo Winch dans le rôle d'Anne Ferguson, Confession d'une accro du shopping, elle s'appelait Sarah Bellamy et elle sera l'affiche de Tomb Raider dans le rôle d'Anna Miller, sortie prévue cette année. 1965, naissance de John C. Reilly, acteur scénariste américain vu dans La Ligne Rouge dans le rôle du sergent Storm, College Attitude, Gangs of New York dans le rôle de Jack Mulroney, Chicago dans le rôle d'Amos Hart, The Hours, Aviator dans le rôle de Noah Dietrich ou encore Les Gardiens de la Galaxie dans le rôle de Roman Day. 1966, naissance d'Eric Cantona, ancien footballeur français devenu acteur. Il a fait sa carrière de joueur de 1983 à 1997 en jouant à Auxerre, Martigues, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nîmes, au Leeds United et il a terminé en jouant à Manchester United et en 2005 avec l'équipe de France de foot de plage. Il est devenu champion du monde en tant que sélectionneur joueur. Et en tant qu'acteur, on a pu le voir dans Le Bonheur et dans Le Pré, Les Enfants du Marais, La Vie est à nous ou encore Les Kaira. 1967, naissance d'Eric Close, acteur américain, vu dans la série télé Santa Barbara, Les 7 mercenaires FBI portés disparus dans le rôle de Martin Fitzgerald ou plus récemment dans la série télé dont on parle parce qu'avec Meghan Markle, Sweets, avocat sur mesure dans le rôle de Travis Tanner. 1974, naissance de Florence Bavrel Robert, ancienne biathlète française, championne olympique du sprint, c'était lors des des JO de 2006 à Turin, édition où elle a remporté également la médaille de bronze avec le relais féminin. Elle possède 5 médailles mondiales, 5 en argent et 5 en bronze. Et parmi ces médailles, 2 sont remportées à titre individuel, l'argent de l'épreuve individuelle des mondiaux 2007 et le bronze sur la poursuite en 2000. Elle compte une victoire en Coupe du Monde, le sprint des Jeux de Turin et 13 autres podiums. 1976, naissance de Mokobé, chanteur français, membre du collectif Mafia Kafri et du groupe 113. 1978, naissance de Rose, chanteuse française. 1987, naissance de Déborah François, actrice belge, vue dans L'Enfant dans le rôle de Sonia, Le premier jour du reste de ta vie dans le rôle de Fleur, qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin, Les tribulations d'une caissière, Populaire, Cézanne et moi, ou encore Chacun sa vie de Claude Lelouch. En 1903, décédé Marcel Renault, industriel, coureur automobile français, cofondateur de l'Empire industriel automobile, hein, qui porte son nom avec ses frères. 1991, décédé Jenny Clark, chanteur américain, membre du groupe, membre d'origine du groupe The Byrds, notamment connu pour leur titre Turn, Turn, Turn, dont on écoute tout de suite un petit extrait. Voilà pour l'extrait du groupe The Byrds. En 2006, c'est décédé Claude Pieplu, acteur français connu pour son rôle de Panoramix dans Astérix Obélix contre César et son rôle de Monsieur Landreau, l'homme aux clés d'or dans la série télé Palace. En 2016, décédé Bruno René Huchez, producteur français à l'origine de l'arrivée sur les écrans français, francophones et européens de nombreuses séries japonaises. En effet, il a introduit en France des séries animées japonaises et de grandes coproductions avec les majors américains dans les années 80, tels que Goldorak, Candy, Albator, le corsaire de l'espace, Capitaine Flamme, Tom Sawyer ou encore Bioman. Allez, petite pause avec le 113 et leur titre Awesome Mom. Tiens en respect, c'est moi Rimka, courage, stay copé pour plus de 6 mois. Tout spirax comme dans Snatch, je m'en chez moi. Suspect comme l'arrière sale d'un resto chinois. Compte sur moi pour représenter nos favelas à nous. Et si t'es chez les fous, jugé par les faux qui visent le foule, le brôle entre branleurs. Le carré d'astre, on a du mal à disperser dans les foules. On sort des marécages d'escalier. Spliff au bec, j'entame le sprint, donne la réplique. On salopard comme Larry Flynn, tu barbales sous ma red skin en souplesse comme Jet Li. Pose pour la Kabylie, mon jet ski. Sache que la peur n'apporte rien à l'homme, des lobes à l'œuvre. Profite de chaque minute pour les frères à l'ombre. Mais au sommet, mal à l'aise. On me choumi en Ferrari sur les circuits. Avec ce qu'il faut sous le lit, insoumis. Dans un coin sombre, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. On sait c'est qui domine. On sait qui part au boulot. Avec une mauvaise mine en pensant à Deauville. Qui soucie du gouvernement. Toujours les mêmes qui mentent ou passent de sales moments. Plein d'œil au garnement. Compte déjà la gouache des 12-13 ans. La mère qui leur prend au nez et vive l'instant présent. Okay. Certains ont le mauvais train de vie. Se sont trompés de wagon. Se mettent à bosser à la chaîne comme un Saigon. Taïwan, ça se ressent comme la Marie-Jeanne. Si t'es pas d'accord, sale con. On va toujours au sommet. Quand on s'y met au sommet. Sur le ciment, sur les champs de cannabis, sur le terrain numéro 10. Avec le cœur, on s'en mêle. Pour les mecs bourrés de vie, sous les novices. On mise tout. faisant. Nous sommes membres comme nos quartiers au risque actif. Comme la balistique de notre ville. Comme un pit, sans muselière. On se voit mal finir notre carrière. Comme Jordan à 40 piges. Spécial haute voltige. C'est comme tes deux doigts dans la prise. Les deux pieds dans la crise. Au sommet, membres, le ghetto et la cerise. Comme une arme bien huilée. Avec du charisme, on prend le blé au blé. Au sommet, on prend des au summum 113 sur le 107 FM, à presque 8h53, on parle météo. La météo. Alors aujourd'hui, ce sera principalement nuageux avec quelques éclaircies, mais quelques averses également à prévoir et des orages également. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés ce matin, entre 20 et 22 degrés prévues pour cet après-midi. Vendredi devrait marquer le retour principalement des éclaircies avec peut-être quelques averses de pluie à prévoir pour vendredi après-midi, mais alors plutôt sur les sommets vosgiens en plaine, ça devrait aller. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 23 et 25 degrés l'après-midi. Pour samedi, franc soleil. Des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 25 et 27 degrés prévus pour samedi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Allez, on parle cyclisme avec le Tour d'Italie. L'étape d'hier a été remportée par Viviani. Thibaut Pinot, lui, s'est classé 29e. Un mot de basket avec les playoffs de NBA. Boston mène la série 3-2 face à Cleveland en s'imposant hier 96-83. Une assistance pour le français Yabouzélé. En hockey sur glace, playoffs de NHL, l'équipe de Las Vegas de Pierre-Édouard Belmar connaît son adversaire en finale. Ce sera Washington qui s'est imposé 4-0 hier dans son 7e match face à Tampa Bay. Premier match de cette finale qui s'annonce alléchante. Ce sera dans la nuit de lundi à mardi. Un mot de tennis avec le tournoi de Lyon. Aujourd'hui, Gilles Simon affronte Kukushkin. À Strasbourg, il n'y a plus de Française puisque Pauline Parmentier s'est inclinée en 2-7, 6-1, 6-4 face à Barty. Et dans les qualifications de Roland-Garros, hier, côté messieurs, Lestienne s'est inclinée en 3-7 face à Stavkovski, 6-7, 7-5, 6-2. Blancano s'est incliné en 2-7 face à Kudla, 6-2, 6-1. Rescapé, c'est Müller qui s'est qualifié en 3-7 face à Santillon, 6-1, 3-6, 6-0. Aujourd'hui, Denoli affrontera Andreozzi. Et côté féminin, Albier s'est incliné en 3-7 face à Barra, 6-7, 6-1, 6-4. La toute jeune française, Paris, 15 ans, s'est qualifiée en 3-7 face à Fête, 7-6, 1-6, 7-5. Hierolimos s'est qualifié en 2-7 face à Lu, 6-2, 7-6. Burel s'est incliné en 2-7 face à Krejcikova, 6-2, 6-0. Et Tan s'est qualifié en 2-7 face à Rodionova, 6-3, 6-4. Aujourd'hui, Tan affrontera Liu. Hierolimo sera opposé à Golubic et Paris affrontera Sramkova. Et on termine avec du football féminin avec la finale de la Ligue des Champions ce soir qui oppose Lyon à Wolfsburg. Les Lyonnaises qui sont en lice pour un triplé consécutif historique. Allez, c'est tout pour le sport. On fait une dernière pause musicale avec la liste de Rose. Aller à un concert, repeindre ma chambre en verre, boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé et puis tout massacrer. Pleurer pour un rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal et mettre les voiles, fumer beaucoup trop, prendre le métro et te prendre en photo. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? J'ai rien trouvé de mieux à faire. Ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi.